3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was. On Tuesday, and it was. Ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks, bienvenue dans l'émission hebdomadaire de KNF TV Have a Knicks Week. Cette semaine, je retrouve Julien pour m'accompagner sur l'émission. Salut Julien, bonne année à toi, meilleurs vœux. On t'a pas vu la semaine dernière, donc c'est le moment, on est en janvier, on se souhaite les vœux. Bonne année à toi, salut à tous, et puis j'espère qu'on va repartir sur une bonne année, une bonne saison pour nos Knicks préférés. Un maximum de victoires. On va peut-être pas trop en demander pour cette année 2022. Hein. Bon, écoute, on a encore une semaine très, très, très chargée. Il n'y avait que 3 matchs de jouer, et pourtant, il y a énormément de choses à dire. Alors, on perd pas plus de temps, et on parle tout de suite de ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est parti ? Allons-y, let's go. C'est parti, on parle de ce qui s'est passé la semaine dernière. Les amis, c'est l'heure de voter. C'est l'heure de voter pour qui ? Bah, bon, les présidentielles, ça viendra plus tard. Non, pour les All-Stars, vos All-Stars préférés. Et les votes sont déjà ouverts. Il y a déjà eu un premier décompte des votes. Les stars habituelles de la Ligue sont sur les toutes premières places. Hein. On connaît déjà à peu près qui seront les capitaines de chaque conférence respective, même si c'est un petit peu le bazar encore dans ces formules de All-Stars. Et on retrouve un petit Knicks. Non pas dans les premiers votes, ni dans les titulaires, hein, probable, mais voilà, dans les premiers décomptes. Et ce premier Knicks, qui est-ce ? C'est pas Julius Randle. Non. C'est pas plus Serge Barrett. C'est Derrick Rose. Derrick Rose qui est blessé, mais qui visiblement a toujours une certaine cote de sympathie, d'affection auprès du public et des fans de NBA, tout simplement. Ça te surprend, toi, Julien, de retrouver un petit peu Derrick Rose dans les votes ? Dans les résultats des votes ? Non, parce que Derrick Rose, quoi qu'il arrive, est toujours dans les votes. Même à Chicago, quand il était dans Dante ou quoi que ce soit. Je crois que même à Minnesota, il était très bien placé puisqu'il y avait eu une certaine hype avec son retour. Il avait fait des gros scores et tout. Donc, Derrick Rose est toujours apprécié du public, donc c'est normal. Après, si on n'a pas vraiment ni RG ni Julius, qui sont les deux seuls potentiels All-Star de l'équipe, ça reflète un peu les problèmes qu'on rencontre depuis le début de saison. Donc aujourd'hui, malheureusement, qu'il n'y ait pas ces All-Star, voilà. Et sachant qu'en plus, Julius a quand même un déficit au niveau de la starification et du voilà. Donc s'il ne tourne pas à plein régime, il ne sera jamais en haut des All-Star. Bon voilà, ça c'était le petit décompte des votes. Bon, on verra, mais on n'y croit pas vraiment. Après, vous pouvez toujours, par des retweets, par des votes sur le site de NBA.com, voter. J'avoue, personnellement, j'ai pas encore voté. Je me tâte pour savoir qui j'envoie comme Knicks au All-Star Game. C'est pas évident cette année. Bon, il y a autre chose. Il y a eu plein d'autres choses. Il y a un record qui est tombé. Mais oui, messieurs, mesdames, il y a un record qui est encore tombé au Garden. Alors, Steph Curry est parvenu nous remettre des 3 points. De toute façon, il n'y a qu'un match des Warriors au Garden à New York dans la saison. Heureusement. On va aller jouer chez eux. Heureusement, un seul, c'est bien. On va pas en abuser. Mais il y a un record à 3 points qui est tombé. Et du coup, notre Evan Fournier national se retrouve sur la photo à côté de Steph Curry, Ray Allen et Reggie Miller. Rien que ça. Belle photo. Un petit photomontage, hein, vous savez comment ça se passe autour de la communauté Knicks. On aime jouer avec Photoshop. Quand c'est pas pour habiller des joueurs qu'on aimerait voir sous les couleurs des Knicks, c'est pour faire ce type de montage. Et donc oui, il y a eu un record. Alors on rigole, on dit mais qu'est-ce que c'est que cet intrus d'Evan Fournier avec son numéro 13 dans cette belle brochette. Mais si, c'est un record, je suis désolé. 10 paniers à 3 points par un joueur des Knicks en un seul match. Ça s'était déjà produit, alors je ne sais plus en quelle année, mais par notre ami J.R. Smith. Mais ça avait été fait à Miami. Là, c'est vraiment le record de la salle. Donc Evan Fournier dans le match dont on va un peu revenir dessus, premier match face aux Boston Celtics cette semaine, a pris un coup de chaud et nous a mis un 10 sur 14 à 3 points. Du coup, c'est le record. Félicitations à toi, Evan. Si tu peux nous en remettre d'autres dans les prochains matchs, on n'est pas contre. Hein. Bon, et alors sinon, Julien, il y a aussi quelque chose qui a fait beaucoup parler, l'histoire du pouce baissé. l'histoire du pouce baissé. Alors ici, sur les réseaux sociaux, on demande souvent de rajouter un pouce, de liker, de mettre le pouce en l'air. Mais ce qu'a fait parler, c'est le pouce baissé. Le pouce baissé de qui? De Julius Randle. On a eu un match phénoménal, avec beaucoup de rebondissements, une conclusion extraordinaire. On va revenir dessus. Mais à New York, c'est Onyx, ça peut pas être aussi simple que ça. Il faut toujours un petit peu du drama. Et le drama, cette fois-ci, il est arrivé par qui? Julius Randle. Comme s'il avait besoin de ça, comme s'il avait besoin de rajouter cette mini-polémique, je serais tenté de dire. Chacun a sa perception de la situation. En tout cas, pour les faits, bah, Julius Randle sur le match, en plein comeback, et après une action où il va marquer à l'intérieur sur la tête de Al Horford. Mécontent des huées, des boues du public, qui visiblement n'encourageait pas son joueur, plutôt le sifflet, eh bien il a réagi par ce geste en montrant sa désapprobation. Lorsqu'il a été questionné sur la signification de ce geste, est-ce que c'était vis-à-vis de certains fans, est-ce que c'était vis-à-vis des Celtics ou quoi? Non, non, il a bien confirmé que c'était pour demander aux fans d'Enix qui le conspuaient bah, de la fermer, tout simplement, le shut the fuck up. Alors c'est un vocabulaire un petit peu utilisé dans les rues de Big Apple. Hein. Les New Yorkais aiment parler fort, aiment se faire remarquer et emploient des fois des tournures de phrases sans forcément mettre les gants. Julius Randle s'est bien intégré dans Big Apple et il parle comme les New Yorkais, hein, on va dire ça comme ça. En tout cas, ça a fait beaucoup parler. Il s'est excusé après cette sortie. Ça a été bien sûr réutilisé par les médias. On aime hein, utiliser le moindre petit événement pour un peu de Knicks bashing. Il y avait de la victoire, il y avait un panier au buzzer, il y avait un record des vannes. Mais non, finalement, c'est ce geste qui a fait parler. Il s'est excusé. La NBA n'a pas entendu ça de la même oreille. La NBA lui a infligé 25 000 $ d'amende. Donc Julius, il faut faire gaffe à ce qu'on dit en NBA, ça peut coûter cher. Voilà, enfin Julien, je sais pas toi ce que tu en penses de ce nouveau drama dans l'histoire d'Enix. Bon, c'est grave, c'est pas grave. Y a rien de grave. C'est bien qu'il montre un peu de caractère aussi. On répète... Il n'est pas épargné, Julius. Hein. On répète souvent qu'on a une ambiance fantastique au Garden et tout. On a aussi, il ne faut pas se mentir, des touristes qui viennent. Et quand je dis touristes, ce n'est pas forcément des touristes étrangers. Mais des gens qui viennent à New York regarder du basket, comme on ira à Disneyland, et qui, si l'équipe ne gagne pas, vont siffler. Voilà, ce n'est pas des vrais affluents. Ça existe. Après, il y a aussi des vrais fans. Il y a une vraie partie plein d'autres de New Yorkais qui y va, et de vrais fans de basket, mais il y a aussi des touristes qui vont siffler un peu. On a ça aussi au Parc des Princes à Paris avec le PSG. Donc voilà, qui siffle un peu vite. Donc je peux comprendre que Julius, dans ce moment-là, soit un peu énervé, parce que ce que tu attends quand l'équipe va mal, c'est justement du soutien. Que tu siffles en fin de match, l'équipe s'est comportée comme elle l'a fait sur certains matchs où il méritait d'être sifflé, il n'y a pas de problème et c'est souvent justifié. Après, là, dans ce contexte, dans ce match, au moment où il y a une remontée en plus, c'est un peu curieux quand même. Voilà, tu n'as pas besoin de te faire siffler, donc voilà. Même s'il n'est pas exempt de tout reproche. Hein. Non, mais c'est pas le moment. Il reproche ça. C'est pas le moment. En tout cas, en tant que supporter, c'est pas le moment de siffler. Et lui, c'est bien aussi qu'il montre son caractère. C'est quelqu'un qui a du caractère. Et de toute façon, pour réussir à New York, il faut avoir du caractère. Donc, ça prouve qu'il n'a pas envie de se laisser faire. Ça prouve qu'il a bien entendu les sifflets et qu'il leur dit « fuck » et il a raison. Et deuxièmement, après, c'est la discussion, c'est de la com. On lui a demandé de le faire, il le fait. Bon, bah voilà. Et je pense que c'est un très bon mec. On l'a toujours dit, je crois que c'est un vrai bon gars. Donc, il n'y a rien de grave. Et puis, c'est New York. Ça prend des proportions voilà, très importantes. Donc, c'est une bonne guerre et c'est une péripétie. Et si ça peut même le rebooster pour le reste de la saison, là, je prends. Hein. Oui, bon, on va en parler, on va voir si ça l'a reboosté sur le match d'après. Je ne suis pas certain. Mais bon, voilà, dites-nous en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est légitime dans le cadre de ce match-là? Parce que des reproches sur Julius Randle, on peut en exprimer tout un tas. Mais dans le cadre de ce match-là, où l'équipe est en train de faire une remontée, d'aller... pas insulter le joueur, je sais pas les propos réels qui ont été tenus, mais d'aller voilà siffler le joueur, ne pas l'encourager. Est-ce que vous trouvez que c'est plutôt la bonne attitude? Est-ce que le public doit siffler sa propre équipe ou plutôt siffler les adversaires? À vous de voir, chacun a sa façon de concevoir le supporting d'une équipe. Mais voilà, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Dites-nous si vous pensez que Julius Randle a eu tort de réagir de la sorte. Dites-nous au contraire si... non, Julius Randle, tais-toi et dribble, comme diraient certains. Voilà, bon, il y a différentes façons de réagir par rapport à une pression, par rapport à des critiques. Il a réagi, c'était peut-être pas la meilleure manière, mais il a réagi. C'est un fait, c'est comme ça, c'est passé maintenant. On va essayer de voir devant nous. Certains joueurs réagissent plutôt par des messages plus ou moins subliminaux sur les réseaux sociaux. Moi, je me rappelle de l'histoire du point là, de Milouz ou un truc comme ça dans les Simpsons de la part de LeBron James. Certains réagissent par Instagram, par Twitter. Bon, lui, il a réagi avec le geste et la parole. Ça n'a pas été pris forcément de la bonne façon. Certains fans ont été blessés, d'autres ont dit « mais c'est normal, on lui en envoie, donc il répond ». Voilà, dites-nous vous en commentaire ce que vous en pensez, on est curieux d'avoir votre avis, on a fait un petit sondage sur Twitter, c'était assez partagé, mitigé. Donc voilà, on est curieux de voir vos commentaires et d'interagir avec vous. Bon, on va revenir vraiment maintenant au basket, parce que tout ça c'est bien beau, mais tout ça c'est pas forcément du basket. Il y a eu trois matchs avec des montagnes russes, encore le rollercoaster d'Enix, cette sortie, Julien. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine avec ces trois matchs qu'on a pu avoir? C'est bien passé, mal passé, chaud, froid, comment ouais. C'est passé ? Dis-nous tout. Une semaine intéressante, une semaine avec beaucoup d'émotions, une semaine sur un bilan positif, on peut l'annoncer tout de suite, tout le monde le sait, et ça c'est fort. Youhou ! C'est quand même plutôt très bien. Je l'avais annoncé la semaine dernière, j'avais annoncé un bilan de 2-1, voilà, 2-1. Bon. C'est plutôt très bien, je ne sais pas si j'aurais annoncé 2-1 d'ailleurs, donc c'est très bien. On commence avec la réception d'Indiana au Garden. Peut-être sur le papier, l'un des matchs les plus compliqués d'ailleurs des trois, puisque Indiana nous réussit pas toujours très bien. Et puis nous, on sortait d'une semaine très compliquée, d'un match extraordinairement dégueulasse contre Toronto. On va zapper enfin, ce match. Deux matchs. Et le dernier match qu'on a fait contre Toronto avec la psy. On a fait un podcast cette semaine, Boudoula, qui va bientôt sortir, je ça pense. Va arriver, et ça en parle. Franchement, c'est pour moi le pire début de match que j'ai vu sur ces 5 dernières années. Et pourtant, on en a vu des dégueulasses. Donc voilà, on passe à autre chose. On recevait Indiana. Tu te dis à domicile là-dessus, tu n'as pas beaucoup d'espoir. Surtout face à la paire Turner-Sabonis, là où on s'est fait démonter, c'est le mot, exactement. Démonter par les intérieurs, voilà, les profils longilignes de chez Toronto. J'étais pas forcément très très serein à l'aube de recevoir les Pacers. J'étais même pas serein. Je pensais qu'on allait perdre ce match, clairement. Avec le retour quand même sur ce match de notre ami Julius Randle qui revenait du protocole Covid. Donc, on va aussi parler de ça. C'est-à-dire que tous ceux qui ont critiqué Randle, bah, son absence, New York n'est pas meilleur, hein, tout simplement. Hein. Quoi qu'il arrive, New York ne joue pas mieux sans Julius. Voilà, quand il revient, l'équipe tourne mieux. Donc, on a quand même réussi à gagner ce match. Un match toujours en faux semblant, c'est-à-dire que le score a beaucoup tourné. Et j'ai même beaucoup cru au début du match qu'on allait le perdre encore ce match parce qu'en face… C'était serré, c'était accroché quand même. C'était accroché. En face, tu te dis, ils nous tiennent toujours. Le jeu d'Indiana, c'est d'endormir un petit peu New York. Quand on joue contre New York, on a toujours l'impression qu'ils veulent un faux rythme, nous tenir à 2-4 points et au quatrième quart-temps à chaque fois nous la mettre. C'est souvent comme ça. Bon, on s'est dit qu'on allait encore se faire avoir. Et là, Julius, quand même… Il leur manquait du monde aussi. Ils n'avaient pas Chris Duarte, ils n'avaient pas Malcolm Brogdon. Ouais, mais bon. Donc, au niveau des menaces, c'était un peu moins fort que d'habitude, mais il y avait toujours quand même une belle équipe. Il y avait une belle équipe. Et puis, nous, malgré tout, on était toujours en train de se chercher depuis quelques matchs. Donc, c'est un match que Julius, on va en parler, a fait un retour fantastique, notamment au niveau de la je vais dire 1, 2, 3, 4. Oui, c'est ça, la complémentarité. Avec les joueurs. Et puis, dire, mais... Complémentarité avec les joueurs. Et puis même, il a été statistiquement présent au rebond, en défense et offensivement. Il finit avec 30 points et 16 rebonds. On a eu aussi un grand RJ Barrett qui a pris le leadership au niveau du scoring sur ce match. Quelque chose qu'on attend depuis très longtemps. Mais voilà, RJ sur ce match était clairement le number one, offensivement parlant, je parle. Shoot important. Sa première mi-temps nous met dans le rythme du match où il attaque le panier. Exactement. Ça fait plusieurs matchs qu'il a repris, on va dire, un les choses en main vis-à-vis de son jeu. Un petit peu l'envie de driver un peu plus fort, d'attaquer et de, dans la gestuelle et dans le body language, chose qu'on parle souvent, tu vois, il montre les muscles, il a envie d'y aller quand il marque, il est présent, il harangue la foule. Au contact. Exactement. Et ça fait plaisir. Un peu moins nonchalant. Et il aime bien jouer contre les Pacers. Ouais, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il a contre les Pacers, mais il aime bien jouer contre les Pacers. Il a quelque chose, il aime bien en plus attaquer le panier contre les Pacers, parce que souvent, cette saison, du fait qu'il se soit écarté au poste 3, il a tendance à beaucoup prendre de shoot à 3. Contre les Pacers, il doit y avoir quelque chose avec la raquette des Pacers, mais il a envie d'aller au mastic et il a envie de rentrer. Il l'a fait, il finit avec 32 points, 8 rebonds. À eux deux, quand même, Julius et RG, Batman et Robin, ont mis 62 points. Enfin, ouais. Alors, qui est Batman, qui est Robin sur ce match ? Ça dépend. À vous de nous dire, voilà, à vous de voir. Les deux échangent les mi-temps l'un, une mi-temps l'autre, mais les deux se passent le slip. Complémentaire. Ouais. Les deux s'échangent le slip, mais sur 104 points, 62 sont marqués par notre dieu, ce qui est quand même pas mal. On a un bon, Alec Burks titulaire en l'absence d'un Kemba Walker toujours absent, qui fait son match, 14 points, 6 passes, 6 rebonds, 4 passes, il est bien, voilà. Côté de la seconde unité, Quickley a été là et Quickley a mis encore un ou deux shoots qui font du bien. Important. Il fait du Quickley, c'est-à-dire que quand tu es à égalité ou alors que tu as une possession de retard et que tu dis merde, il faut y aller, Quickley, souvent la fraîcheur, le 3 points qui vient bien. Une victoire. Et sur ce match, c'est un match assez rare finalement, on a la paire Randle et Barrett qui fonctionne bien. C'est assez rare pour le signaler. C'est vrai, on a l'un ou l'autre qui joue bien dans son match. Et là, c'était les deux. Donc, ça montre que c'est possible. On a ce qu'on aurait souhaité avoir plus souvent. On a ce qui est souhaité par nos Knicks, ce qui est le projet Knicks, c'est-à-dire d'avoir notre franchise aujourd'hui, Julius, qui accompagne notre futur franchise RG, Batman et Robin. Et normalement, à eux deux, c'est censé être le scoring, plus des pièces comme Fournier et tout. On en a déjà parlé, qui sont censés faire la différence. C'est très rare cette saison, mais quand les deux tournent, du coup, on a une victoire. Tu as évoqué Evan. Evan, sur ce match. Ouh là là là là. 0 point, la bulle, en 20 minutes. Alors, il a couru, hein, il a fait son petit cardio. Mais catastrophique. Et du coup, lui aussi a pris sa dose de critique Evan, dans la presse et autres. Enfin, je ne vais même pas parler de Julius ou d'Erdi. Pour moi, Evan, c'est le symbole de New York Knicks cette saison. Evan, c'est les montagnes russes. Même si c'est un French guy, c'est les montagnes russes. C'est-à-dire que, voilà, on va passer tout de suite au deuxième match. Il joue contre deuxième match. Il joue contre les Pacers, il est inexistant, il n'est pas là. Tu sens que le bandit language, ça ne va pas. Il ne met pas ses shoots. Il essaye de bricoler collectivement parlant, mais c'est une catastrophe. Et le match suivant, qui est-ce qu'on reçoit ? Boston. C'est l'ami des Boston Celtics. Mais et le match suivant, le match suivant, tu en as parlé tout à l'heure. Evan a été sur une autre planète, tout simplement. En termes d'adresse, c'était pour rentrer. Voilà, tout rentré. Et puis, voilà, il faudrait qu'il joue tous ses matchs contre nous, contre Boston, on le sait bien, hein, parce que là, il pète son record en carrière, le record de la franchise à 3 points. Il met quand même 40, je crois que c'est son record en carrière aussi au point. Avec, c'est son record en carrière, sachant que 41 points. Opening night de la saison, il avait déjà battu son record en carrière. Donc, il a, je sais pas, il a une dent, il a un truc, il a un 41 points, avec, 8 rebonds, 2 passes. Et pour un mec qui rate sa saison en ce moment, entre guillemets, parce que c'est ce qu'on lit souvent de New York, ouais. Il pète deux fois son record en carrière au niveau des stats offensives. Contre les mêmes adversaires. Donc, Et à chaque fois contre les mêmes adversaires. Donc, il y a un problème. C'est-à-dire que quand il joue contre Boston, il l'a dit d'ailleurs, oui, j'ai une motivation. Enfin, il ne le fait pas exprès, mais inconsciemment, il a une surmotivation. Il l'a avoué, ce qui est logique. C'est comme ça. Il a le mojo. Je pense que contre Orlando aussi, il fera des bons matchs, même si on joue moins pour l'instant Orlando, quoi que ce soit. Mais contre Boston, il y a peut-être ce côté... Vous m'avez fait venir, mais il y a un goûter inachevé. Il a senti que voilà. Il n'a pas cru en moi. Ouais. Il y a peut-être un peu de ça. Ouais. Et au début, il s'est fait tailler beaucoup à son arrivée aussi à Boston. Donc voilà. Bon, bref. Sur ce match-là, il est en feu. Ce match-là. C'est lui qui nous maintient. Hein. Il faut le dire. Le match est serré, compliqué. Si. Il est compliqué en première mi-temps. Franchement, en première mi-temps, si tu me demandes de parier, je te dis qu'on va perdre. Si Evan n'est pas là, si Evan n'est pas en feu, si Evan n'est pas chaud, si Evan n'est pas. Tu le sens tout de suite dans le truc. Je pense que Boston prend assez d'écart pour gagner le match. Parce qu'RJ Barrett, on va en parler, est très mauvais sur ce match. Très mauvais. Dans l'ensemble du match. Autant contre Indiana, il attaque la raquette. Et il a réussi à se faire de Miles Turner. Il l'a fait danser même. Là, il a pris un mur. Un mur qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Robert Williams. Il s'est fait bâcher un nombre incalculable de fois. Alors, il est revenu. Il n'a pas abusé du shoot à 3 points sur le début de la rencontre. Sur le début de la rencontre. Il a utilisé les tirs à 3 points plus tard. On va en revenir dessus. Mais il est catastrophique sur ce match-là. Il essaye. Il n'y arrive pas. Il bute sur la défense qui n'est pas forcément un modèle non plus des Boston Celtics. Oui, et puis sur ses shoots, il est quand même à 26% de réussite, ce qui est catastrophique. Hein. C'est extrêmement dégueulasse pour un arrière qui prétend un jour être All-Star, donc voilà, arrière ailier. Donc voilà, ses choix n'étaient pas bons, son mojo n'était pas bon. Julius, un petit peu en dessous de son match contre Indiana, mais il fait quand même, on sent quand même qu'il est là et qu'heureusement que ça reste la plaque tournante dans le jeu, 22-8-2, ce qui est des statistiques honorables. Et tu sens que quand Emmanuel Cloutier, IQ qui est relativement important sur ce match. IQ et pour moi Evan sont les joueurs décisifs de ce match, parce que à eux deux, ils perdent. C'est eux qui nous tiennent. C'est nous qui nous tiennent dans la rencontre, dans le rythme de la rencontre. Sans eux, on perd le mojo, on perd le rythme, on perd la fluidité du match et on ne revient jamais au score. Sans eux, on n'est pas toujours au contact. Nous permet d'être toujours en contact et on va arriver à cette fin de match incroyable. Boston est devant. Serré parce que on loupe des lancers. Ça aussi, il faut faire qu'on en parle un petit peu. On aurait pu le laisser filer. On le sait, le match est victorieux. Ça nous a remis un coup de peps à l'entrée dans avec le match. C'était parfait. On va dire tout de suite avec incroyable au buzzer de RG. 3 points incroyables parce que si tu revois l'action, surtout son mouvement, son shoot, il est à l'envers, il n'est pas stable. Enfin, je pense qu'il le tente 10 fois, il le met une fois. Donc, c'est incroyable. La planche, lui, le 3 points. Lui te dira que non, mais... l'émotion, elle est extraordinaire. On est d'accord qu'il y a, il y a une part de chance, d'émotion. Le public a vibré. Alors, attends, il a une gestuelle dégueulasse, il a une planche. C'est incroyable. Incroyable. Vraiment. C'est magnifique. L'émotion est là. Parce que même quand il a la balle et que tu shootes, toi, tu es au fond de ton canapé. Tu te dis, fais chier, on perd le match sur que dalle. Et non. Donc, on ne perd pas, ça, c'était égalité encore. Mais on dit, bon, on va encore rejouer des prolongations. Et pour moi tu qu'est-ce vois, que ça va donner. Pour moi, s'il ne met pas shoot là, pour moi, on perd le match. Parce que on n'a pas... Par exemple, on laisse... autant on a fait une très grosse remontée, on revient d'un déficit de 25 points. Donc ça, c'est important aussi à signaler. 25. Ouais. Boston était en back-to-back. Donc il y a des circonstances... Boston était en back-to-back. Boston, et quand on revient, si, quand voilà. on revient, tu vois bien que les gars de Boston, au début, ne nous prennent pas au sérieux. Il y a aussi ça. Ils se disent, on a fait le trou. Oui, ça commence à rentrer, notamment avec IQ aussi, qui met quelques shoots bienvenus. Mais bon, voilà. Et je pense que Boston se laisse surprendre aussi. On en joue et on est chez nous. Après, tu as le Garden qui pousse ou quoi que ce soit. Mais Zubik a répondu présent. On en a parlé. Trop. Il a un peu trop répondu présent vis-à-vis de certains joueurs, vis-à-vis de ne pas supporter l'équipe. Après je comprends qu'à moins 25 à domicile, tu sois un petit peu frustré. Mais quand l'équipe mais est en train de remonter. Mais c'est pas à ce moment-là qu'on va huer Julius. C'est quand tu es en train de remonter et que tu colles au score. Donc c'est un petit peu incompréhensible. Mais bon, c'est une autre histoire. Un décalage. En gros, match épiphénomène parce que du coup, les matchs contre Boston, avec ce qui se passe avec Evan et le fait qu'Evan soit sur une autre planète contre Boston, si on jouait 81 fois Boston cette saison, on serait premier de la Ligue. Mais voilà, c'est difficile. On a un bilan de 50-50 à vrai dire. Mais bon. C'est difficile de juger notre équipe contre Boston à cause de ça. Et du coup, on va terminer la semaine par un troisième match contre ces mêmes Celtics. Malheureusement, l'équipe est décimée. Pas de Kemba Walker, pas de Derrick Rose et pas de Michael, pas de Kobe, pas de Evan Fournier, pardon. Le GOAT français, ouais. Hein, n'est-ce pas? Bah oui, Evan Fournier touché à la cuisse. On a appris son forfait quelques heures avant le début du match. C'est dommage parce que forcément, le gars sort d'un match à 41 points. Il était attendu au Garden. Un match à 0 avant, donc on s'est dit bon, on va voir quel Evan Fournier. Il était attendu à Boston. Eux étaient revanchards, ils avaient envie. En plus, ça aurait pu sentir un peu la poudre et je pense qu'Evan dans ce genre de contexte aurait pu aussi être chaud. Voilà. En plus, le début de match est plutôt bon. RG prend un petit peu les choses en main. IQ mi-titulaire par la force des choses. C'est ça. Très bon. Ça, il faut le dire. IQ titulaire, c'était pas une première, ce qu'il a déjà fait une fois dans la saison. Ouais, mais il a été starter. Et plutôt bonne chose. Voilà. Plutôt ouais, bon démarrage. Intéressant. Il met des trois points importants à un moment donné au début du match. Il fait circuler la bande. Ouais. Ça, c'est pas mal en plus avec IQ. On y croit. Ouais, sur ce premier carton, on y croit alors que l'effectif est décimé. À la mi-temps, le doute que j'ai eu, c'est comment ça va se passer quand il va falloir faire sortir IQ, qui on va mettre, est-ce qu'on va garder dans le reste de la seconde unit quelque chose qui va permettre de maintenir un peu le flow. Bah, du coup, en fait, la seconde unit, la seconde unit se retrouve un petit peu notre force de cette saison. La seconde unit se retrouve complètement décimée puisque Derrick Rose étant absent, Burks et IQ étant titulaires, il reste plus grand-chose. Et du coup, à la mi-temps, on est quand même là. Mais malheureusement, il reste deux quarts temps, pas de rotation de banc assez intéressante. et on va en parler tout de suite, notre seconde unit, c'est 6 points et c'est Grimes qui les met. C'est ouais. incroyablement fait. Gibson, qui est un joueur tu vaillant. Tu peux pas gagner comme ça, tu peux pas gagner comme ça. Même il... si les starters sont pas non plus exempts de reproches. Hein. Julius, ouais. on en a parlé, voilà, il se met dans la panade avec ses histoires de. Julius, tu sens qu'il est un le petit match peu. D'après, malheureusement, encore un petit peu pris sur cette histoire. Je pense que ça va. Il va le digérer, ça va le rebooster pour après, je l'ai dit tout à l'heure, mais ouais, il est en dedans. Evan n'est pas là, Evan contre Boston, on le sait. Kemba étant non plus absent. Derrick Rose n'est pas là. IQ étant titulaire, mais quand il sort, bah, il n'y a pas grand-chose. Et puis Taupin étant inexistant, Gibson inexistant et notre Mike Bright inexistant aussi. Bah, il a défendu, il a mis ses 6 points. Bon, on n'attend pas. McBride. Je confondais avec Grimes. McBride, il joue très peu, voire pas, dans le garbage time avec ouais. les Bucks. Avec, mais il ne met même pas un point. Et Taupin n'apporte rien sur cette rentrée, malheureusement. Et Taupin n'apporte rien parce qu'il lui manque, on va en parler tout de suite, il manque IQ. Il manque un shoot. Il est avec IQ. Aussi. Voilà. Mais quand il est avec IQ, il est avec Derrick Rose. Dans la finition, quand le jeu est assez fluide, peut trouver des ballons pour finir proche du cercle ou en mouvement, en contre-attaque. Là, il n'y avait pas ça. Là, t'enlèves le bas-court Rose IQ qui arrive à jouer avec Taupin parce qu'ils importent cette fluidité et cette vivacité dont a besoin Taupin pour se nourrir près du cercle. Là, quand il doit créer son shoot, c'est complètement différent. Hein. C'est pas du tout ses qualités. Et... Alors on aime Obi Toppin, on aime ce qu'il nous montre cette saison, mais là sur ce match, c'est pas le Obi Toppin. Le problème d'Obi Toppin, c'est Obi Toppin qui peut s'exprimer. Obi Toppin est un joueur vaillant, est un joueur courageux, est un joueur avec du jump, mais ce n'est pas un joueur extrêmement technique, c'est pas un joueur extrêmement talentueux offensivement parlant. Mais je pense que ça sera jamais un joueur d'ISO, ce sera jamais un joueur totalement formidable là-dessus. Maintenant, ses qualités, avec la seconde unité, il arrive à les exploiter d'une très bonne façon et son apport apporte beaucoup. Mais quand tu lui retires ses moteurs et ceux qui le nourrissent, ça devient un joueur très, très compliqué et très lambda. Donc voilà, ça, c'est une défaite à Boston qui était prévisible au vu des absences qu'on a, au vu du manque de talent au final que tu te retrouves sur ce match. Mais c'est dommage parce que 3 victoires nous auraient permis de rester... De repasser à 50% et de rester dans ce play-in de groupe là. Voilà. Bon, au final, on est un petit peu au coude à coude. Enfin, on est au coude à coude. On a le même bilan que les Boston Celtics. Du coup, voilà, il n'y a pas de petits pas en avant de la part des Knicks par rapport aux Boston Celtics. Sur la saison, on est à 2-2. Hein, et puis, on continue avec toutes ces absences, Covid, blessures et autres, à bricoler. Et la saison avance. Et c'est embêtant parce que du coup, d'un match à l'autre, ça a du mal à se mettre en place. D'un match à l'autre, tu ne sais pas où tu vas. Et puis, le calendrier qui vient s'annonce compliqué. Moi, Julien, j'ai envie qu'on en parle du calendrier à venir. Ouais, on va en parler. Après là, le calendrier... cette défaite, elle est derrière nous maintenant. Après le calendrier, On dit toujours que le calendrier est compliqué, mais des fois, on a des bonnes surprises. C'est vrai. Alors du coup, moi, je te propose qu'on regarde un petit peu ce qui nous attend sur le calendrier. On y va ? Let's go. Allez, c'est parti. On parle du programme de la semaine à venir. Alors, Julien, la semaine à venir. Mais en fait, c'est même pas que une semaine à venir. Basketball Référence a fait un classement des calendriers les plus compliqués. Et les Knicks se retrouvent avec le deuxième calendrier du reste de saison, le plus compliqué derrière les Milwaukee Bucks. Les Milwaukee Bucks, c'est les champions en titre, ils ont un petit peu plus de ressources, ils ont d'autres objectifs que les nôtres. Donc bon, ça devrait aller à peu près pour eux, je pense. Pour nous, ça s'annonce pas forcément évident, cette seconde partie de saison. Mais bon, j'ai souvenir que l'année dernière, on nous disait un petit peu près la même chose et que ça s'était finalement pas trop mal terminé. À voir si on arrive à reproduire à peu près la même chose, à traverser cette adversité sur cette deuxième partie de saison. En tout cas, cette semaine... Qu'est-ce qui nous attend au programme ? Des équipes texanes, j'ai l'impression. N'est-ce pas ? Ouais. Au Garden. Garden. Les Texans débarquent, les Spurs. Alors, qui le public va soutenir ? Qui le public va huer ? Je ne sais pas, on verra bien. J'ai quand même une petite idée parce qu'il y a des mecs qui pourraient se faire huer au Garden. Bon, peut-être pas sur la première équipe. Hein. Donc, on reçoit les San Antonio Spurs, qui sont voilà, sur leur petit voyage new-yorkais, Brooklyn, et puis après, on vient dans la grande salle, dans la belle salle, dans la référence, le Madison Square Garden. Match voilà. Prenable hein, contre les Spurs. Match prenable. Oui, on les a battus chez eux, après, voilà. C'est une équipe qui est quand même en reconstruction, qui a quand même du mal, tu sens que voilà, c'est une fin de cycle importante. Celui-là, faut le prendre. Hein, pour moi, les Spurs, après, on verra quand même, parce que d'ici là, il peut y avoir des protocoles, il peut y avoir des absents et tout. Mais bon, en espérant. Est-ce qu'on va retrouver Nerlens Noël? Nerlens Noël, il est sorti normalement du protocole Covid, ouais. Mais il est toujours pas par là. Donc, j'aimerais bien que Nerlens revienne. Evan, annoncé ou pas, ça peut-être être un peu court, donc faut voir. Bon, on sait que Diro, ça va être jusqu'à fin février, ça va être long. Oui. Kemba, c'est pareil, on n'a pas trop d'informations. Ah, Kemba, c'est bizarre. C'est douleur au genou, quoi. Ouais, donc on va voir. J'espère que Noël et Evan vont pouvoir jouer. Et si on a une équipe qui est un petit peu plus structurée, normalement, on peut prendre ce match. Le deuxième match, c'est les d'autres Texans très forts. Ah, et là, il y a moyen de huer des joueurs. Je suis désolé. Et pas forcément dans le côté Knicks. Ah, écoute, c'est le retour de qui? Reggie Bullock, Frank Ntilikina. Tim Hardaway Jr., je l'aime bien aussi, personnellement. Et Luka Doncic, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Mais je pense que tu veux parler... Je dirais rien sur Luka. Je pense que tu veux parler de notre ami Chris Porzingis. Porzingis. Ton ami. Qui va jouer, lui? Ton joueur préféré chez les Knicks. Ah mon Dieu, Kristaps Porzingis. Bah, il m'a déçu. Il a cassé. Après, c'est même pas sûr qu'il joue. Parce que lui aussi, il est en galère de. Bah, comme d'hab. Pas forcément protocole, mais bon, voilà, on sait qu'il a une santé fragile. C'est un fragile de base, Porzingis. Maintenant, s'il est là, de toute façon, il va entendre parler de New York, il va être bien accueilli, il n'y a pas de souci. Bon, les précédentes réceptions avaient été assez mouvementées. On en a fait une petite vidéo d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur KNFTV sur le premier retour de KNFTV. Je pense que au peu importe le nombre de saisons qui reviendra, il sera toujours bien accueilli. Tu penses? Je ne sais pas. Je pense que peut-être ça va se passer avec le temps. Regarde, même toi, qui n'est pas forcément haters, il n'y a pas beaucoup de joueurs ou ex-joueurs que tu n'aimes pas. Il y a toujours ce petit côté, voilà. Une petite rancœur vis-à-vis de KP, quoi. Il nous a un peu abandonné, un peu lâché, il n'a pas voulu croire. C'est pas, on va dire que c'est quelqu'un qui, même à Dallas, ne montre pas une classe. Je ne parle pas du terrain, attention, je parle dans ses déclarations, dans ses attitudes toujours extraordinaires. Il est très mal conseillé. En tout cas, Dallas revient au Garden et ça va être un match compliqué. Après, Luka... Quoi qu'il arrive, oui. Sportivement, voilà. Même si on enlève un petit peu les notions de contexte... Parce que l'air de rien, on aura quand même des revanchards. Si KPJ joue, sera extrêmement revanchard. Tim Hardaway va vouloir nous montrer aussi que c'est un très bon joueur. Reggie Bullock va, même s'il n'y a pas de rancœur, c'est contre ses anciens potes, son ancienne équipe, va être là. Ouais, et Franck, s'il doit réussir un match dans l'année, ça sera peut-être contre nous. Donc, Qu'il va jouer? Est-ce que Franck va jouer? C'est... Enfin, moi, j'avoue ne pas suivre la saison. Il joue des bouts de match. Il joue des Mavs, mais c'est pas non plus un temps de jeu phénoménal. Hein. Ouais, mais il joue des bouts de match. Et puis là, Lucas, il quand même revient de blessure. C'est assez compliqué. Je pense qu'il va quand même peut-être pas jouer tout le match. Donc, peut-être qu'il y aura des missions à faire aussi. Bon, en tout cas, coach, Jason Kidd. Jason Kidd, l'ancien de la maison. Ouais, mais bon, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ça sera quand même, quoi qu'il arrive, au-delà des rivalités, au-delà de tout ça, ça va être un match très compliqué. Dallas a quand même de grosses certitudes que nous, on n'a pas. Pour moi, a plus de talent que nous aussi, on ne va pas se mentir. Ils ont un joueur majeur. Mais Dallas nous réussit bien. Les Knicks nous surprennent sur des matchs. Mais Dallas nous réussit bien. Dallas nous réussit bien en plus ces autres saisons. Donc, on va voir. Match difficile. Très difficile. Mais match à regarder, à ne pas louper. Bien sûr, de toute façon, tous les matchs sont à regarder. Mais je pense que celui-ci, on peut avoir une bonne surprise. J'espère qu'il y aura de l'enjeu, qu'il y aura un vrai match, il y aura de l'émotion. Voilà, est-ce que ça va huer Porzingis ou pas trop? On verra. Il y aura peut-être quelques retrouvailles. Bon, bref. C'est un match à cocher quand même dans l'agenda. Hein. Le match des Spurs, vous pouvez le regarder si vous avez envie aussi. Nous, on va regarder tous les matchs, on va débriefer tous les matchs. Mais celui contre les Mavs, il aura une petite touche un peu particulière. Petite saveur. Et puis, pour une petite saveur particulière. Et pour finir la semaine, puisqu'on est lancé sur la saveur particulière. Notre nouvel meilleur ennemi, le pigeon. Ouais, on va aller se déplacer à Atlanta chez les Hawks. Donc, aller chez les Bouseux, c'est toujours compliqué. Aller à Atlanta, c'est toujours compliqué. C'est une belle ville, paraît-il. Moi, j'avoue, ne jamais. Et pas la Géorgie, c'est pas le côté le plus touristique, mais je dis ça juste pour les. Pour les amateurs de Coca-Cola, de Chicken Wings et de spectacles de danse, semble-t-il. Et d'Outcast, ils ont sorti un bon groupe qui s'appelait Outcast, qui vient de là-bas. Donc, okay. Voilà. Mais ne nous éparpillons pas. Voilà. Mais voilà, en tout cas, Etiel, nous revoilà. On les avait battus chez eux pour le premier match. Ils avaient mis leur équipe. Équipe C d'Atlanta. Non. Je préfère rappeler un petit peu les choses. C'est sur le match pour lequel on avait mis Alec Burks meneur. Le premier match, il y avait du Trey Young, il y avait du John Collins. Oui, c'est vrai que l'équipe C, c'est à Noël. L'équipe C, c'est à Noël. À Noël, il y avait des absences. Et là, du coup, Atlanta est sur une meilleure dynamique que nous. Atlanta est quand même avec un retour de Trey Young qui est en forme. Une meilleure dynamique. Ils sont encore dans le rétro. Ouais, mais ça joue quand même pas trop mal. En ce moment, ça joue pas trop mal. Normalement, sur le papier, il y a plus de talent. Mais il y a aussi l'émotion, de la rancœur, il y a un truc. C'est chez eux, on le sait. Ça risque d'être compliqué quand même. Surtout que si tu t'es arraché juste avant pour taper Dallas et San Antonio, on a vu avec New York, c'est difficile d'en enchaîner trois. J'espère vraiment. Alors, moi, je vais même te dire, je préfère qu'on perde les Spurs et qu'on tape les deux autres aujourd'hui sur le papier. Si on doit gagner que deux matchs, voilà. L'idéal, c'est de gagner les trois. Moi, j'ai envie de gagner les trois. Hein. J'étais sur un bon pronostic la semaine dernière avec mon 2-1. Et dans l'ordre, j'avais annoncé qu'on perdrait à Boston. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Là, moi, je veux voir. Je sais pas pourquoi. Ça y est, on va la lancer cette saison. Ça y est, on a des matchs. Attends. On va les prendre. Moi, je dis la 3-0, grand chelem sur la semaine. Et on se remet bien. Moi, je dis déjà un 2-1, je signe tout de suite. Et avec le Covid, avec ses protocoles, avec tout. Je suis gourmand. Là. Moi, je. C'est la saison des galettes des rois. Il faut être gourmand. Il faut être généreux. Julius revient au Gordon, il va se faire acclamer, on va retrouver des chants de MVP et non plus des bouts. Non, c'est bon, c'est la bonne semaine. Cette semaine, ne loupez pas les matchs, on gagne, mes amis. Atlanta, pour en finir, ça sera un match difficile. Atlanta a aussi besoin d'un. Tous les matchs seront difficiles. Le problème, c'est qu'on a peu de certitudes et beaucoup d'absents. Et que là, comme tu l'as dit, on est vraiment dans un ventre mou de bas de tableau qui veut aller en play-in. Et Atlanta, clairement. Eux, ils sont dans le même cas que nous. Ils visaient les playoffs, ils sont dans le même cas que nous. Nous, on voulait sécuriser au début de saison une 4e ou une 5e place. Atlanta visait plus que des playoffs. Non, eux, ils visaient plus, mais ce qu'ils peuvent viser, c'est des playoffs. Les finales de conférence. Oui, n'exagérons pas, mais voilà. Ils étaient dans le même cas que nous. Ils visaient les playoffs sans passer par les play-in. Aujourd'hui, ils se réveillent, ils sont en galère, ils veulent accéder aux play-in tranquillement. Nous, on est pareil. Donc ça, c'est clairement le genre de match décisif pour cette fin de saison. Et on aura on peut spoiler, on peut dire que Trae Young, il va encore mettre un carton offensif s'il joue. Il a l'habitude de mettre plein de points, mais ça suffit pas forcément vis-à-vis de son équipe. Ouais, après nous, difficultés en défense. Exactement. Et nous clairement ça va être notre défense. Là-dessus, offensivement contre Atlanta, on peut pas jouer avec eux à celui qui scorera le plus parce que Atlanta a plus de certitudes offensives et plus de talent naturel. Maintenant, quand on les bloque fort et qu'on les pousse dans leur retranchement, ils ont du mal. Sachant que Collins et Capela, cette saison, c'était quand même beaucoup moins fort que l'année dernière, hein, beaucoup plus de difficultés. Ils ont un joueur, comment il s'appelle ? Je me l'oublie, qui est blessé, qui est très important pour eux, c'est Bogdanovic, de mémoire. Donc, voilà, c'est compliqué. Maintenant, ils sont chez eux, ils ont du talent. Il va falloir jouer ce match avec des. Ils ont Cam Reddish aussi, qui est une belle révélation pour eux, qui fait une bonne saison. Le pote à RG. Donc, voilà, gros match, grosse ambiance. Gibson aura sa petite rivalité, Julius aura envie de faire, on aura Trae Young, on aura RG face à ses potes. Peut-être qu'avec un Mitch Robinson décidé, un Mitch Robinson des grands soirs, Capela, ça sera un peu moins facile. Donc. Et puis si ça a été mis en match de Noël, c'est qu'il y a une petite rivalité naissante, il y a un petit truc, un petit côté, une petite storytelling à l'américaine. Donc ça sera un match passionnant à regarder. Ne loupez pas ces matchs, on a une belle semaine qui s'annonce. Et en fait, Julien, la belle semaine, elle va se poursuivre parce que côté KNF, on va vous sortir encore des choses. On a travaillé ce week-end. En fait, on va dire on travaille tout le temps. Mais il y a le retour de quoi donc ? Allez, je vous balance un clic. Carrément, le jingle vidéo, enfin le générique vidéo. The Knicks épisode, le retour, épisode 17. Ouais, déjà, épisode 17. Alors ça va être un bon gros épisode. Il y aura matière à écouter. Vous pouvez faire ça en plusieurs temps, en famille, dans la voiture, dans les transports, où vous voulez, sous la douche. Au running, au sport, allez-y. Au running. Il y a de quoi aller faire courir un semi-marathon. Vous pouvez vous accompagner dans les oreilles. On va revenir sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire en ce moment. Même avant les deux matchs face aux Boston Celtics, pardon, on a enregistré ça avant les deux matchs. Donc depuis, vous avez vu, il y avait des choses à se raconter, mais alors déjà avant, il y en avait pas mal. Donc on a le nouvel épisode qui arrive. Il devrait tomber mercredi matin. Voilà, on va laisser un peu passer les matchs pour se concentrer sur les matchs, mais le podcast est prêt. Il arrive sur les plateformes habituelles, Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast, également sur la chaîne YouTube. Donc voilà. Le podcast est de retour, 2022, nouvel épisode, ne le manquez pas, c'est fait pour vous, on l'a fait avec plaisir, et on a un petit invité, ouais, on a un petit invité, on essaye d'avoir des invités de temps en temps, et voilà, il va nous livrer un petit peu ses impressions, et puis on va essayer de se projeter sur la suite, parce qu'on essaye de voir devant nous. Donc voilà, ça arrive cette semaine, et puis il y aura peut-être du contenu vidéo le jeudi, voilà... Restez à l'affût. Hein, KNFT, on peut donner un indice sur l'invité, c'est le fan français number one de Julius Randle. Bah écoute, je peux pas, non, on peut pas en parler. Allez, on vous garde la surprise. Sur ce, mes amis, écoutez, moi j'ai envie de vous souhaiter une bonne semaine. On a beaucoup de choses qui nous attendent encore. On va encore parler d'Enix toute la semaine. On va se régaler avec ces matchs ou pas. On verra de quoi nos nuits seront faites, ou nos matins, voilà, avant d'aller au travail, comment on démarre la journée avec l'Enix, comment on la finit avec l'Enix. On verra tout ça. En tout cas, on vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode de Avenix Week. D'ici là, portez-vous bien, meilleurs vœux à tous, et j'ai envie de dire quoi? Let's go Nix! C'est parti! Allez, bonne semaine à vous! Ciao, bye bye! Ciao, ciao!